que tu crées de chaud, mais que t'aimes le soleil. Que les ombres c'est beau, mais c'est vrai qu'il y a le ciel entre le bas et le haut. Tu peux rester couleur ou choisir noir et blanc. Photo ou malheur, toi tu sais plus vraiment entre le rouge et le sang. Fais ton choix. Prochaine intersection, planifie et beau, cherche encore une raison et prends une décision. Celui-ci, celle-là, tu sais pas trop quoi faire. Pour te sortir de là, tu votes majoritaire. Paradis ou enfer, fais ton choix. Se perdre en route, ne surtout rien changer, renoncer aux doutes. Mais c'est ça la vie, libre d'avancer. Vas-y, fais ton choix. Thank you.